Leçon 2, page 116, activités 2 et 3. Maman, on va aujourd'hui ? On va chez le boulanger pour acheter des baguettes, et après, on va au marché. Léa et moi, on veut aller à la piscine. Tu nous emmènes là-bas, s'il te plaît ? D'accord, mon chéri. Après les courses, on va à la piscine. Merci, maman.